Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en non-direct, parce que c'est une émission de nouveau en différé, et on a plein de très très bonnes choses à s'écouter encore sur les 2 heures à venir, avec notamment quelques nouveautés disséminées ici et là. Nous aurons les Ricains de Midnight ou encore Inclination, les Français de Altarossa et quelques autres plutôt coolos à s'envoyer dans les tympans. On va pas perdre de temps et on va attaquer direct la prog avec une doublette bien violente en entame d'émission. Immolation, tout d'abord, les vétérans du death américain qui nous sortent un très très très très bon Acts of God, nouvel effort studio à paraître, enfin déjà paru, pardon, chez Nuclear Blast, le 11e. On est toujours sur un espèce de death rouleau compresseur, un peu old school, un peu tech, et avec une prod, une interprétation et une qualité de compo extraordinaire. Un visuel signé une fois de plus par le fameux Eliran Cantor. Et voilà pour la présentation faite avec les Ricains. Et nous aurons ensuite les Danois de Leipzig, le groupe de hardcore qui a bénéficié d'un focus dimanche dernier. Leipzig, on est sur du hardcore presque entre le chaotique et le négatif hardcore, c'est même rehaussé d'éléments death metal. C'est ultra puissant et un vrai bonheur à écouter. Voilà donc pour la première doublette de ce soir, Immolation Act of God avec le titre Blooded. Leipzig, extrait de leur nouvel effort Misanthropy, on s'écoutera le titre Idolizing Crooks. Et sur ce, bienvenue dans l'émission. We'll be right back. pour la suite, le one-man band de base, on va dire américain Midnight. Bon, le groupe propose beaucoup de live, hein, parce qu'il y a pas mal de Zikos sessions pour accompagner Midnight, toujours emmené bien sûr par Athénard, qui fait bah, tout forcément dans le groupe. Midnight, on est sur du black speed, enfin speed, le côté heavy speed trash, et puis voilà, une grosse base black metal. Punk and Roll également. Let There Be Witchery, c'est le nom du cinquième effort studio pour le groupe, on va dire, venu du Cleveland. Midnight, bah c'est toujours bien crado, bien cradingue, mais un peu moins dangereux dans le style et dans l'image, moins sale. Bon, faut dire qu'avant le groupe tournait avec Revenge, maintenant ça tourne avec Venom. Pour poser un peu le truc. Au niveau de la recette, c'est Evolue 0, 10 titres pour 35 minutes, ça va à l'essentiel, c'est direct, c'est efficace, et c'est très bien comme ça. Et en doublette avec Midnight, Amorphis, le groupe finlandais de Melodes, qui sort son nouvel effort studio, le 14e déjà. Hein, le groupe a vu le jour à la fin des années 80, le premier. Début 90 même. Pareil, formule musicale identique, c'est peut-être un peu le reproche qu'on peut lui adresser, mais ça reste toujours efficace à côté de ça. Toujours un mélodesse mélancolique avec une superbe alternance de vocaux clairs et de gutturaux. Et il y a même quelques influences old school d'Amorphis lui-même à l'ancienne époque avec l'utilisation de quelques claviers par-dessus. Voilà donc doublette à venir Midnight, Let There Be Witchery. L'album sort le 4 mars chez Metal Blade. On s'écoutera le titre Nocturnal Molestation. Amorphis, ensuite extrait de leur nouvel effort studio Halo. Pour rappel, ils sont maintenant signés chez Atomic Fire Records. Coucou les ex Nuclear Blast. On s'écoutera le titre On the Dark Waters. C'est parti. We'll be right back. On déroule tranquillou avec la doublette suivante, Venom Prison, ce très très bon groupe de hardcore death venu du Pays de Galles. Ils sortent là leur troisième effort studio longue durée, toujours plus travaillé, toujours plus riche et toujours plus d'efforts au niveau de la voix sur Venom Prison, donc la qualité est toujours au rendez-vous. Et en doublette avec Venom Prison, Darvazza, projet black d'un musicien italien, Jonathan Potenti, notamment batteur pour Blue House North, Fides Inversa, ex-membre de Gloria Orbelli, pour poser le décor autour de Darvazza. Et donc c'est un duo, puisque avec ce Zikos italien, on retrouve le guitariste Bjorn, guitariste norvégien de Bexen. Voilà, donc on a un multi-instrumentiste et un vocaliste. Le projet a vu le jour en 2015, et là c'est leur premier album studio. 6 titres pour 40 minutes, les compos sont donc assez généreuses. Un BM plutôt bien travaillé, mi-malsain, mi-intense. Il n'y a aucune révolution dans la musique, mais c'est vraiment super bien fait, puis tu sens que les mecs derrière, c'est pas leur coup d'essai. Voilà donc Venom Prison, un extrait de leur nouvel effort studio Erebos, on s'écoutera le titre Nemesis, Darvazza ensuite, Ascending to Perdition, et on s'écoutera le morceau Disangry Triumphant Darkness. C'est parti. Picked me out. Yeah, no one's left to pick up the pieces. Ah, la doublette suivante, le genre de grand écart qu'on adore. Tout d'abord, les paillettes, les strass, les claviers et l'ultra kitsch de Battle Beast, le groupe finlandais qui sort son nouvel effort studio Circus of Doom, une sortie Nuclear Blast. Eyes of the Storm, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Voilà, les présentations ont été faites en entame avec Battle Beast et dans la foulée. Zéro paillettes, zéro tendresse, 100% engagement, Napalm Death qui sort son nouvel EP, hein, c'est tout simplement des sessions qui datent du précédent album, qui ont été revues et remises au goût du jour. Resentment is always seismic, final throes of truth. On met limite plus de temps à prononcer le titre de cet EP qu'à se l'écouter, enfin non, c'est pas vrai, les titres sont assez longs et plutôt généreux. Slaver Through a Repeat Performance, c'est le titre de Napalm Death que l'on s'écoutera juste après le morceau de Battle Beast. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger sur les ondes du 93.6. On fait dérouler tranquillement l'émission d'aujourd'hui avec, ma foi, une doublette de nouveautés. Inclination, tout d'abord, groupe culte de Straight-Edge Hardcore qui nous vient des États-Unis. Ils sortent c'est presque un single puisque c'est deux titres. En attendant la suite, on ne sait pas encore si ça va être un EP ou un album. Donc voilà, ces deux morceaux font suite à deux EP qui ont vu le jour en 2017-2019. Voilà, déjà bien bien culte Inclination. Les mecs sont restés bloqués dans le Straight-Edge Hardcore de 2010. Et ma foi, c'est pour le plus grand plaisir de l'auditeur, parce que ça reste ultra bien exécuté, puis c'est bien bien bien vénère comme il faut. Et dans la foulée de Inclination, Spirits of Fire. L'autre nouveauté de cette doublette. Donc c'est un petit All-Star Band qui rassemble juste des icos de génie. Au niveau du micro, on retrouve Fabio Lyonnais, bien sûr membre de Angra et surtout connu pour avoir été membre de Rhapsody. Le bassiste Steve DiGiorgio, passé notamment chez Testament et Death. Chris Jeffrey à la guitare, coucou, Savage, et le batteur Mark Zander qui a fait partie de Fate's Warning. Donc voilà, tout ce petit line-up de toute beauté nous propose un heavy pépouze, légèrement old school. Ça reste un peu mélodique, un peu prog, sans que ça sonne non plus trop branlette ni trop rétro. Voilà, ça s'écoute très très bien, c'est pas la révolution de l'année, mais c'est vraiment super cool. Et sur le précédent et premier album de Spirits of Fire, le micro était tenu par monsieur Tim Ripper Owens. Voilà, on change un génie par un autre. Voilà, donc Inclination, Truth and Prayer, extrait... alors, petite galette compte double Glimpse Through the Lens et Spirits of Fire, ensuite Into the Mirror, extrait de leur second effort studio Embrace the Unknown. C'est parti. Ah! La doublette suivante au cœur de l'émission va nous permettre de faire une glissade vers l'aspect française. Mais avant ça, tout d'abord Mass Warship. Ce groupe de metal extrême qui va chercher dans les comment dire les inspirations un peu sludge, un peu death, toujours sur un espèce de mid-tempo, avec cependant des riffs ultra décousus, presque méchougaïens. Ils sortent là leur premier effort studio Portal Tombs, le titre qu'on va écouter ce soir c'est Dunes of Bone, et ensuite, nouvelle formation venue de l'ouest de la France, Archville King, une nouvelle signature Les Acteurs de l'Ombre, on est sur un one man band black metal. À la ruine, c'est le nom de ce premier effort studio pour Archville King, et on s'écoutera le morceau L'Artisan. We'll be right back. Yes.